Le 7-9. 8h54, François Morel est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Lyon. Bonjour mon cher François, c'est à vous. Bonjour. Le monde est violent, le monde est à feu et à sang. On s'invective, on s'insulte, on ne s'écoute plus sur les réseaux asociaux, on s'engueule, on s'injurie, on se pourrit. Alors, un peu de douceur, d'amitié, de gentillesse. Récemment, quelqu'un de l'équipe du 7-9 a eu du chagrin, un grand chagrin, la perte d'un proche, d'un très proche, d'un frère. Plutôt qu'envoyer des fleurs ou faire dire des messes, l'équipe du 7-9 a décidé le jour des obsèques d'envoyer un pâté croûte parce que le disparu, Fingal, était doté d'un appétit aussi solide que son sens de l'humour. Je vous ai apporté du pâté croûte, parce que les fleurs, c'est périssable, et le pâté croûte, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Allez, moi, qui ne suis pas champenois, je ne dis pas pâté croûte, mais pâté en croûte. Le pâté en croûte aurait pu être le symbole de la Macronie si elle cherchait, au lieu d'une cohérence, un symbole, en effet. Car le pâté en croûte est en même temps une entrée et une pâtisserie. En même temps, un hors-d'œuvre et un gâteau qui sollicite en même temps une pâte feuilletée ou brisée et de la charcuterie. Le pâté en croûte, qu'on se le dise, est une charcuterie pâtissière, une pâtisserie de cochon. Le pâté en croûte ne date peut-être pas de la plus haute antiquité, mais du Moyen-Âge. Il constituait une des bases de la cuisine seigneuriale. La croûte du pâté servait à la cuisson et à la conservation de la viande, mais comme la croûte était bonne, pas con, on l'a mangé. Le disparu, justement, était membre du jury qui organise le championnat du monde de pâté croûte. À l'hôpital, il a goûté les pâtés croûtes, ceux du championnat, et aussi ceux de ses amis Bravache, qui acceptaient d'être jugés par la fine gueule hospitalisée dont le palais, heureusement, n'avait pas été altéré. On discutait, on palabrait, on parlait fort dans la chambre d'hôpital, mais uniquement de sujets cruciaux, essentiels. Le Saint-Doux a-t-il sa place dans une pâte brisée? Pour une pâte destinée à 8 personnes, est-il juste d'intégrer la même quantité de beurre que de Saint-Doux? Quelle doit être l'épaisseur de la gelée sur les bords? On s'accordait pour dire qu'un millimètre devait être la bonne épaisseur, étant bien convenu que la gelée devait obligatoirement provenir du sommet du pâté. Des problèmes d'hommes, simplement, comme dirait Léo, des problèmes de mélancolie. Pourquoi je pense à cette affiche disparue, enseigne de la maison Noblet, charcutier traiteur dans le 14e arrondissement de Paris, qui se trouvait à l'angle de la rue d'Alésia et de la place Victor Bache, une petite fille en robe rouge, ingénument cynique devant un joli cochon rose prêt au sacrifice. Pleure pas, grosse bête, tu vas chez Noblet. Aujourd'hui, qu'il ne reste que les miettes du souvenir, tentons de rester joyeux, lucides, aimables, vaillants, aimants avec les vivants. Justement, en pensant aux gens que j'aime, à ceux qui me donnent envie de rester vivant, je profiterai d'être à Lyon, capitale gastronomique, pour commander ce midi une bonne tranche de pâté en croûte. Merci du fond du cœur, François Morel, et grand merci également à Antoine Salaire qu'on entendait à l'instant à l'accordéon.